J'ai 8 secondes pour vous dire que la barre Ovomaltine, c'est de la dynamique. Diététique. De l'é... Tchikachoukachou, la journée, la journée. Bonjour et bienvenue dans ce 37e numéro d'Anime No Melody. Au sommaire de cette émission, du mecha automobile avec Chou Kosoku Galvion, de la comédie musicale de combat avec Sakura Wars et un gentil monstre au doux nom de Totoro. Mais tout d'abord, les news. Depuis début novembre, vous avez la possibilité d'acheter en France une collection de vinyles tout droit sortis du studio Ghibli sur toutes les plateformes en ligne comme Amazon. En effet, Ghibli fait paraître pour chaque film de Hayao Miyazaki une collection de 3 vinyles. L'image album, qui est la préversion du travail sur le film et qui sert de base à des discussions entre le compositeur et le réalisateur. Puis l'original soundtrack, qui est la forme définitive de la bande originale du film. Et enfin, notre album, le version orchestrale dite symphonique, qui est un arrangement de la bande originale pour une version concert, avec donc plus de musiciens. Pour l'instant, les vinyles parus sont ceux de Nausicaa, Laputa et Totoro. Attention, comme tout produit estampillé Ghibli, le prix de ces albums sont quelque peu excessifs. Il vous faudra débourser entre 40 et 60 euros suivant les albums. Vous venez d'écouter Lonely Chaser, le premier opening de la série Chou Kusuku Galvion, et chanté par Ryuko Tanaka. Il y a 200 ans, après une troisième guerre mondiale ayant presque détruit la Terre, un système galactique ayant cru en l'homme, mais déçu du dénouement, après les avoir aidés technologiquement, décide d'enfermer, grâce à une barrière nommée Sigma, la Terre et ses habitants. À l'aube du 23e siècle, des repris de justice, Mu et Maya, ont la chance de voir leur sentence effacée en travaillant pour une fondation, la Circus, et en faisant pour eux des missions secrètes. À chaque réussite, ils gagnent des points, et lorsque le nombre défini sera atteint, ils recouvriront la liberté. Pour cela, ils sont aidés d'assistantes féminines et d'un robot à l'allure féminine. Et puis il y a Galvion, une automobile qui se transforme en robot géant. Cependant, ils découvrent qu'une société secrète nommée The Shadow, Ténèbres en français, font tout pour les empêcher de réussir. Qui sont-ils ? On apprendra petit à petit que derrière cette société secrète se cachent des terriens bien placés, mais aussi des extraterrestres. Cette série de 22 épisodes et son studio d'animation ont bien eu des déboires. En effet, elle fut brièvement arrêtée suite à la faillite du fabricant de jouets Takatoku Toys, qui était le principal sponsor pour la fabrication des maquettes du Galvion et des différents mechas de la série. Puis un an plus tard, c'est le studio Kokusai et Geisha Movie International qui malheureusement fit faillite. Pour rappel, ce studio est aussi l'auteur de l'Empire des Cinq, À plein gaz, et La Petite Olympe et les Dieux. C'est aussi sa diffusion française qui fut oubliée, alors que le doublage français avait entièrement été produit par la Sophie début des années 90. Il y avait eu un bon casting puisqu'on y retrouvait Audie Schmidt, Marc Lesser, Bruno Journet, entre autres. Peut-être un manque de place sur la grille du Club Dorothée ou de Youpi, l'école est finie sur la 5. La musique a été composée par Masao Nakajima. Cet artiste est plus un arrangeur et compositeur de chansons que compositeur de musique d'animé ou de film. On le retrouve ainsi sur les arrangements des chansons de la série d'OAV Bubblegum Crisis, comme la chanson emblématique de l'OAV 1, Konyawa Hurricane, ou Victory de l'OAV 3. On lui doit quand même les musiques de l'OAV The Humanoid. Petite information sur ce double CD que j'utilise pour cet animé de mélodie. Il s'agit d'un double CD regroupant les deux albums soundtrack de la série, mais dont la source audio semble avoir demandé du travail. En effet, la qualité auditive est très en deçà de ce qu'on aurait pu s'attendre. La source provient bien des 33 tours, on entend parfois le disque tourner en fin de piste, mais les personnes ayant travaillé dessus ont tellement voulu enlever les crépitements, dus certainement à des 33 tours ayant mal vieilli, que le tout est souvent étouffé, des fins de piste coupées trop vite. Et l'écoute reste potable, mais je vous déconseille ce double CD si vous cherchez une source irréprochable. On écoute la musique de Galvion et on se retrouve juste après son ending Memory Lullaby, toujours chanté par Ryuko Tanaka. Thank you.

私たち正義のために戦います。たとえそれが命を懸ける戦いであっても私たちは一歩も引きません。それが帝国歌劇団なのです。 街の火が消え果てて怯えるペイントに西の色染め上げて踊り出る戦士たち。暁に劇場を照らし出す音ね。悪を滅ぼし示すのだ。走れ高速の帝国歌劇団。うなれ衝撃の帝国歌劇団。走れ高速の帝国歌劇団。うなれ衝撃の帝国歌劇団。 Vous venez d'écouter Geekitei, déclaration Imperial Floral Assault Group, version faite pour la série télé Sakura Wars. Au début du XXe siècle, Sakura, une jeune fille originaire de la campagne, part pour la capitale de l'Empire dans le but de respecter les vœux de son défunt père, intégrer le groupe d'attaque florale impériale. Cette brigade a été créée afin de protéger la capitale des Koma, des génies du mal, et est constituée de jeunes filles pilotant des robots Kobu, grâce à leur pouvoir spirituel. Pour rester secrète, cette compagnie se présente officiellement comme une troupe de théâtre, ce qui perturbe Sakura qui se demande ce qu'elle fait là. L'accueil de ses camarades s'avère d'autre part glacial, et la pauvre jeune fille aura du mal à se faire accepter. Cependant, elle apprendra peu à peu à manœuvrer son robot, contrôlé par son pouvoir spirituel, mais aussi à jouer la comédie et chanter sur scène comme ses camarades. Merci à planetjeunesse.com pour ce résumé. La musique de la série animée par Madhouse est assurée par Koei Tanaka, comme pour le reste de la franchise. Tout comme Kosuke Fujishima, le character designer que l'on connaît bien en France pour ses mangas de Ama Goddess, Yonder Arrest, mais aussi pour les chara-design de la franchise jeux vidéo Tales of. Koei Tanaka, nous en avons souvent parlé dans Anime No Melody. Il est le compositeur de One Piece, certes, mais aussi de Gunbuster, animé Sanjushi, sous le ciné mousquetaire en France, mais aussi donc Gatekeepers, The Violinist of Imlin, les OAV de Bastard et tant d'autres. On écoute son travail sur cette série télé tout de suite. Satsuki s'installe dans une nouvelle maison proche de l'hôpital dans lequel se trouve leur mère. Dans leur jardin se trouve un très grand arbre qui abrite trois Totoro, dieu de la forêt. À partir de là, Mei et Satsuki vont vivre de merveilleux moments avec des créatures qui leur feront découvrir le merveilleux et le pouvoir de la nature. Totoro est le deuxième film Ghibli de Hayao Miyazaki et la troisième composition de Joe Hisaishi pour un de ses films. On peut dire que depuis son travail sur Nausicaa et Laputa, Hisaishi est devenu le binôme du réalisateur, sans qui peut-être aucun de ses films ne se ferait. La puissance de l'image est toujours alliée au travail de composition de Joe Hisaishi et semble ne pouvoir exister qu'ensemble, si d'une incroyable complicité entre les deux hommes. Joe Hisaishi nous apprend au détour d'une interview dans le mensuel Animage d'avril 1988 que pour la musique de Totoro, il lui a fallu se battre contre lui-même, car en parallèle, il composait la musique d'une comédie musicale, Azushi, qui se situait dans un univers démoniaque. Il lui fallait donc continuellement se confronter à la pureté de Totoro et à la décadence de Azushi. Mais c'est aussi ce challenge qu'il apprécie, le trouvant aussi formateur. Pour Totoro, il créa donc une ligne mélodique simple, alliant ainsi le caractère simpliste de l'histoire du film, ses tranches de vie, à des mélodies épurées, souvent courtes, mais ayant un caractère bien défini. Rappelons que depuis Laputa, Hayao Miyazaki écrit les paroles de la plupart des chansons, et c'est à lui que l'on lui doit la si rigolote chanson de fin du film de Tonari no Totoro. Il est temps de retrouver notre ami de la forêt. On débute par le générique d'ouverture, Sampo, qui veut dire promenade, chanté par Azumi Inoue, puis quelques musiques, et l'on retrouvera la chanteuse avec Tonari no Totoro, le ending du film, qui est peut-être la chanson la plus connue d'ailleurs. Thank you. あなたに来るわ。 Animer nos mélodies, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie mes partenaires, Synthwave, RadioAnime.net, le groupe Facebook RetroTac. Je remercie aussi Yannick Rowe pour les musiques de l'émission. On se quitte avec la chanson Lume nos balades, chantée par Fumi Erano pour Urusei Yatsura, une belle chanson romantique. Et n'oubliez pas que la musique d'animé, ce n'est pas que pour les Japonais. 「それはあなた」 Libre.